à tous une nouvelle émission de Radio Kimozo des Ados. Oui, merci Camille. Merci. La deuxième fois que Camille fait l'entrée. Ouais. Hein, super. Ça, c'est des gros progrès. Hein. Hein, là, on est content de venir à la radio quand on voit les progrès que certains font. Hein. Alors, qui est là aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Nathan. Bonjour, je m'appelle Timothée. Oui. Bonjour, je m'appelle Christopher. Bonjour, je m'appelle Juliana. Bonjour, je m'appelle Camille. Et en technique? Bonjour, je m'appelle Steven. Oui, tu es avec qui, Steven? Marc. Voilà, ben bonjour à Marc. Bonjour, Marc. Tout le monde va bien, alors? Oui. Moi, je suis en pleine forme. Oui, mais ça se voit que tu es en pleine forme. Hein. Moi, sur ta chaise. Moi, je suis Corée. Hein? Alors, la dernière fois, nous avions qui avec nous, vous rappelez? La maman de Timothée. La maman de Timothée avec ses sœurs. Voilà, et la maman de Timothée, elle avait choisi une chanson. Mystère. Hein, la chanson Mystère. Est-ce que quelqu'un a appelé? Non. Personne. Alors, elle devait être difficile, cette chanson-là. Est-ce que vous la connaissiez? Non. Oui, moi, pourtant, je la connais. Moi, je la connais pas. Ouais, la connaissais, moi aussi. Oui, je crois qu'il y en a beaucoup. Attends. Il y en a beaucoup qui l'avaient déjà entendue. Mais après, pour mettre l'auteur et puis le titre, c'était pas facile. Ah oui. Donc, c'était Alain Souchon et c'était J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Oui, tu te rappelles, tu peux chanter à vous? Ah, c'était comment la chanson? Vous vous rappelez un peu de l'air? Elle avait un gros mot. J'ai 10 ans. Bizarre. Vas-y, Timothée. J'ai 10 ans et je sais pas quoi. Je ramène ma gueule à la récré. Et je ramène ma gueule à la récré. Non, c'est tarte ta gueule à la récré. Ah ouais, tarte ta gueule dans la récré. Ça t'a retenu, Christophe. Tarte ta gueule dans la récré. Stop, c'est bon, c'est bon. Tarte ta gueule à la récré. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle chanson mystère qui a été choisie par... Moi. Christopher. Donc, ben écoutez... Mais moi, là, j'ai choisi ma... Est-ce que ce serait bien de ne pas parler tous en même temps? Donc on va l'écouter et puis s'il y a quelqu'un qui la connaît, donc on appelle... au 03 29 40 62 40 40. Voilà. Et ben on écoute. Allez, Christopher. C'est parti. Écoute. Tout de suite. Pas d'opéra. Il était bien. Oui, les gens. Un sage. This girl. take it back. And we take it back. Wish so hard, I wish so hard that it came true. Then my lucky star, I guess you came from behind the moon. I put my arms around you, and I promise not to abuse you. Since now I found ya, why the hell would I wanna lose you? Crystal clear, not even Merlin good boy, keep it this girl. Voilà, c'était la chanson mystère choisie par Christopher. Donc jusqu'alors, apparemment, pas d'appel. Pas d'appel, donc personne n'a reconnu. Encore un parfait inconnu qui vient de passer, hein? Timothée, tu fais des réparations. Tu fais quoi? Je remets le scotch demain, mais... Le scotch. C'est un réparateur de scotch. Bonjour. Mais là, apparemment, il est un peu fichu. Timothée, oui. Il y a une question, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire, Timothée? Demander à Marc. Rien. Est-ce que c'est le moment de remettre du scotch après les micros, je sais pas quoi. Timothée, à ton avis? Non. Non. Mais c'est bien, tu as constaté que l'étiquette s'en allait, qu'il fallait remettre du scotch. Hein. Mm. Puis tu l'as dit en direct, c'est bien. Oui, Nathan. Il faut qu'il enlève ton casque. Ah, ça c'est une bonne idée. Hein. Tu préfères avoir le casque sur la tête ou l'enlever? Bah, mettre le casque sur la tête. Oui, mais le problème, c'est que quand tu as le casque, tu n'es plus avec nous. Tu peux répéter la question? Bah, c'était pas une question, c'était un constat. Ok. C'est comme dans les jeux vidéo. Et casse-toi les jeux vidéo aussi. Oui. On joue aux lignes avec des gens. Ça aussi avec des casques. Oui, alors pourquoi on met des casques? Pour qu'on entende les gens parler. Pour entendre les gens parler? Ouais. Pour écouter ce qu'ils disent, pour savoir. Quand vous faites un jeu vidéo, vous mettez le casque sur la tête, c'est pourquoi? Moi, j'ai... Pour entendre? Bah, pour entendre, oui, le jeu, bien sûr, mais c'est surtout... Pour pas entendre le bruit? Pour pas entendre ce qui se passe autour, quelque part. Hein, Steven? Tu sais, quand tu joues sur l'ordinateur entre midi et 1h à l'IME, ou de 1h à 2h, quand tu mets le casque, c'est pour quoi? C'est pour écouter. Est-ce que ça te permet aussi de ne pas entendre le bruit qu'il y a autour? Oui. Les portes qui se ferment, hein, qui passent dans le couloir, qui crient. C'est ça? Oui. C'est pour être à fond dans le jeu. Oui. Voilà. Moi, je fais jamais ça, moi. Toi, tu fais jamais ça. Parce que j'ai pas de casque dans ma console. T'as pas de casque? Parce que j'ai pas atteint sur ma console. Donc, toi, tout le monde entend quand tu joues? Ouais, j'ai un casque, mais le casque, je m'en sers pas, il marche pas. Ah, il marche pas. Il me l'a donné, mais il marche pas. Je sais pas ce qu'il a, c'est pour Internet. Oui, Timothée? Moi, je mets souvent des écouteurs parce que on peut entendre le son du jeu, mais... Le son des personnes. Des personnes où? Qui sont autour de toi ou dans le jeu? Bah, autour de moi. Ah, voilà, oui, bah, c'est ce qu'on disait. Moi, je pour le mets. Pour entendre ce qui se passe autour. Pour bien être dans le jeu, c'est ça? Corinne, oui. Moi, je mets un casque quand j'écoute de la musique, c'est tout. Mais moi, je n'ai plus les écouteurs. Ah, alors comment tu fais maintenant ? T'es obligé de mettre le son et tout le monde entend ? Non. Parce que ça peut déranger aussi les autres qui sont autour. Oui. Oui, Nathan. T'as qu'à fermer la porte. Fait que moi, tu fermes la porte. Comme ça, personne t'entend quand tu joues aux jeux vidéo. Mais là, dans le salon, y a une porte, des chambres un peu partout. Et toi, le jeu, il est dans le salon ? Oui. Ah oui, c'est pas dans sa chambre. Oui, parce que c'est dans ma chambre. Toi, c'est dans ta chambre. Oui, mais il y a deux endroits au bas, faut que je demande l'autorisation à mes parents. Bon, c'est bon pour les casques. Oui, Corinne. Oui, Christopher. On a un truc à parler, là. Ouais, à quel truc ? L'âge de... je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire. Tu m'as fait ça, là, ça veut dire quoi ? Quand je suis là. Alors, quand on a préparé lundi, on a parlé de 3-4 choses, oui, dont... Comment économiser l'eau ? Il y avait quoi encore ? Le courant. L'électricité. Et on va jusqu'à quand les mains et on vient quand les mains. Pourquoi il y a des groupes d'âge ? Pour les petits, les grands, les ados, tout ça. Oui. Des grands qui ont des maladies, qui sont pas bien. Hein ? Bah, qu'on a dit. J'ai pas compris, Nathan. Moi, les grands qui sont vraiment pas bien. Des adolescents qui sont vraiment pas bien. Oui. Que ça veut dire Emilien, Fabien, Gabriel et Nicolas. Je comprends toujours pas ce que vous voulez dire. Les enfants qui sont vraiment pas bien, il a dit, je sais même pas pourquoi. Oui, et puis alors, les enfants qui sont vraiment pas bien, à quoi, Nathan ? Des soucis très embêtés. Très quoi ? Très embêtés. Très embêtés ? Oui. Alors déjà, on était parti de pourquoi il y a des groupes d'âge. Pas petits, les grands. Il y en a un qui sont 13 ans, 14. 12 ans. 7 ans, 9 ans, 10 ans. Et il y en a qui ont 20 ans, et 19 et 20 ans. Alors pourquoi, par exemple, vous êtes au milieu ? Quand on est encore des petits. Alors vous êtes dans les groupes de petits ? Non, on a encore des petits, mais des grands quand même. Des moyens, alors, on va dire. Les ados ? Mmh. Hein ? Oui. Donc, pourquoi on fait des groupes d'âge ? Est-ce que ce serait bien, par exemple, qu'il y ait des petits qui soient avec vous ? Non. Parce que nous, on va au collège, les petits ne comprendront pas comment on travaille au collège. Et est-ce que les tout-petits, ils ont les mêmes jeux que vous ? Non. C'est des petites voitures, tout ça. Hein. Non. Et que nous, c'est des vrais trucs. Ah, vous, c'est des vrais trucs. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme vrai truc à l'adolescence ? Il y a des puzzles, des grands puzzles. 1000 pièces. On peut jouer à la bataille. Sur l'ordi. L'ordi, L'ordi, c'est pas bon pour la santé. Oui, mais ça, vous l'avez appris quand ? Quand j'étais petit. Bah voilà. Donc, les petits, il faut qu'ils apprennent tout ça aussi. Bah oui, il faut qu'ils apprennent aussi. Puis un jour, ils deviendront comme vous. Et après, nous, on deviendra comme le CIF Pro. Voilà. Alors, là, pourquoi vous n'étiez pas encore au CIF Pro ? Parce que le CIF Pro, c'est à 14 ans qu'on y va. Parce qu'il faut être un petit peu âgé. Faut être un peu âgé ? Oui, on est beaucoup trop jeune. Vous êtes trop jeune ? Ouais. Et puis, au CIF Pro, ils font quoi ? Il faut du travail. Des activités, ou ça arrive ? Des stages. Il faut mettre des sorties de vendredi. Les stages, c'est l'apprentissage aussi. Hein. Ils font jardin, cuisine. ils font les stages. Des stages, ils envoient des jeunes faire des stages. Ils font des sorties. Bah, vous aussi ? Oui. Bon, pas trop, parce que vous allez beaucoup au collège aussi. Hein. Après qu'on loupe une séance du collège, qu'on fasse une sortie. Vous en avez pas fait, là, avant les vacances ? Non. Si, c'était les vacances, mais vous êtes sortis. Toi, Corinne. Je ne suis pour idée une nouvelle séance vendredi. Ça ne dérange pas de partir une grande journée le vendredi, le matin, à 9h. Et qu'on revient le soir. Juste à 4h. Mais revenons-en à un autre sujet, là. Alors, Les petits, comparés à vous, quels sont, à votre avis, leurs besoins ? D'apprendre poupées. À lire. T'as dit quoi ? Les poupées. Ils ont besoin de poupées. D'apprendre à lire, d'apprendre à lire, à écrire, à faire la tâte. Ouais, c'est des petits pointillés émetteurs. Hop, hop, hop, des petits pointillés. Bah, les poupées, c'est pour Christophe. Hein. Non, mais les éducateurs à l'IME, qu'est-ce qu'ils font avec les petits ? Ils les aident. Comment on travaille ? Parce que vous, on vous aide plus. Si, on les aide encore. En temps en temps. À s'occuper d'eux. À comment à faire. À comment travailler. Et aussi, les petits, au tuyau, ils travaillent tout le temps avec des modèles. Et que nous, nos coachs, travaillent toujours un travail sans modèle. Ah, alors les petits qui sont à l'école des tilleuls, il leur faut des modèles. Oui, oui. Vous, vous n'avez plus besoin de modèles. Non. Oh, ben vous êtes merveilleux, vous. Ah hein oui. Parfois, oui. Alors là, vous êtes au top, hein. Ça. Hein. Je peux dire que ça ne pas des sixièmes. Puis nous, on fait de la SSR, mais eux, ils font pas, les petits. Voilà. On a déjà fait les pour avoir le permis, on fait la SSR 1 et SSR 2. Ben, la SSR 1, c'est le permis de quoi ? Nouveau collège, les petits vont pas au collège. Est-ce que c'est le permis de voiture, la SSR ? Non, pour voir si t'arrives à retenir c'est tout, le... qu'est-ce que t'avais fait depuis longtemps. Oui. La SSR, c'est pour avoir le permis. Il faut avoir le BSR pour avoir le scooter. Et pour avoir la voiture, il faut passer le code. Et quand tu veux passer le code, tu montes et après ton la conduite maintenant. La SSR. Bah oui, là, au niveau de la conduite. Donc avec la SSR, vous pouvez conduire quoi ? Une voiture, une moto. Oh, bon, c'est... La voiture, une moto. Une moto. Un scooter. Une moto. Corinne, un scooter. Un scooter. Alors toi, ça y est, t'as déjà prévu d'acheter la voiture, là. Une voiture, une moto, c'est ça. S'il pleut, t'as rien sur toi. Bah oui, c'est sûr que c'est mieux d'acheter une voiture. Oui, Nathan. Je sais que Christophe va s'acheter une Citroën. Christophe. Non, va s'acheter une voiture normale. Moi, je m'achète une Renault. Moi, je sais. Alors là, t'as passé. Attends, tu as passé la SSR1, tu as été reçu. Ah, tu avais une bonne note. Non, il n'a encore pas fait. Bah, il a fait le. Ah non, c'est pas toi, je suis bête. Faut pas qu'un autre, excuse-moi. Oh. Mais bon, toi, tu. Je vais le faire à 14 ans. Tu as quand même fait l'entraînement avec les autres et tu avais quand même toujours des bonnes notes. Oui, tu arrivais bien. Donc l'année prochaine, ça va super bien se passer pour toi. Et sans simulateur aussi. Donc alors l'année prochaine, attends, tu vas passer la SSR1, après la SSR2, et là tu vas acheter une voiture. Ouais. Non, il faut déjà faire le code, la conduite. Bah oui, Christopher. Hein. C'est le bazar. Ça suffit le, pas. Le code avec les pédales, avec les voitures aux pédales. Si t'achètes de nous dire, ils vont t'arrêter. Ben, à fond, mais. Timothée, que a une question. Tu peux conduire une voiture à 14 ans. Corinne, non. Non, t'as non, encore à 20 ans. Corinne, à 19, 18 ans. Il a une question, Timothée. Oui, Timothée, vas-y. Ah. Tu sais plus ? Oui, je sais plus. Mais réfléchis, Timothée. C'est quoi ? Attends, tu attends. Vas-y. Hein ? Timothée. On sait. Corinne ? J'avais pas vu que tu avais une question, Timothée, parce que j'avais la tête tournée vers Christopher. Corinne ? Ouais, de l'autre côté, j'ai pas vu. Corinne ? Attendez, est-ce que ça te revient, Timothée ? Non. Non. Tu réfléchis, alors ? Tu réfléchis un peu ? Non. Ouais. Alors, Nathan, oui. Ma voiture, ce sera une Ferraïte. Quand j'aurai 18 ans. Ouais, bon. Une Renault. Une Renault. On va peut-être revenir au sujet. Et moi à Lyon. Une Renault. Un moi, Corinne. Moi, je prends une Renault. Comme une moi. Renault rouge. Une Renault rouge. Rouge, parce que t'as tes couleurs préférées. Un sujet. S'il vous plaît. Ta couleur préférée. Camille. Moi, je vais prendre un Lyon. Hein. Timothée. Une Citroën. Avec un chien des Renault. C'était quoi le sujet ? Comment économiser l'eau ? Ah oui, on a fini, et le premier, c'est fini, là. Oui. Comment oui. Il y a des groupes d'âge, tout ça, non, c'est oui, c'est fini, ouais. Corinne. Mais attends, comment économiser de l'eau ? On a plein de trucs à dire. Déjà que c'était... sur quoi ? Sur le comment économiser l'eau. Recycler son urine. Hein ? Quoi ? Recycler l'urine. Oh, Christopher. Quoi ? Ça se fait ? Non, ça se fait pas. C'est ça, Steven, oui, est-ce que tu veux dire quelque chose, toi, par rapport au groupe d'âge ? Aliéme, pourquoi il y a des groupes d'âge ? Je sais pas. Est-ce que toi, tu pourrais... Tu m'entends, Steven ? Est-ce que toi, tu pourrais, par exemple, être avec des petits ? Non. Non, alors pourquoi Steven? Parce que ça dépend des âges. Toi, tu es plus grand. Oui. Tu es presque un adolescent. Bah oui. Hein. Alors, est-ce que tu as les mêmes centres d'intérêt que les petits? Non. Est-ce que toi, tu joues avec les mêmes choses que les petits? Non. Non. Et par exemple, à l'école, est-ce que tu fais les mêmes choses que les petits? Non. Oui. T'es à l'école des tilleuls, Steven, ou t'es au collège? Au collège. Bah à l'école oui. Des tilleuls. En fait, l'école des tilleuls, c'était trop facile leur travail parce qu'en fait, leurs maths, les lettres, tout le temps, on n'avait pas le droit de faire de l'attaché. C'était trop mois. Facile. En hygiène, on pouvait faire que d'attaché oui. Une fois par mois. Oui, Timothée, tu enlèves ton casque, s'il te plaît. Comment ton casque, il va au paradis. Mon casque. Alors Nathan, il dit qu'au tilleul, c'était trop facile. Ah oui, c'était trop facile. Hein. Et ouais. Alors là, comment que c'est au collège? C'est aussi facile. C'est dur. C'est dur. Aussi facile pour moi. Moi aussi, moi j'apprends vite. Bah oui, c'est tout facile pour nous. Hein. Ah, c'est tout facile. Alors vous savez, l'émission de radio, là, je ferai écouter à Justine, hein. Hein? Vous avez dit que c'était super facile et trop collège. Oui. Bah, à mon avis, elle va revoir sa copie, hein, Justine. Hein? D'accord. Ah! Hein? Ah! La physique des mathématiques, la zèbre. Bon, bah, alors c'est bon là pour les groupes d'âge. Oui, j'ai pas fini. Oui. Oui, Nathan. Au collège. Parle dans le micro, Nathan. J'ai oublié ma question. Au collège, quoi? Au collège. C'est trop facile. Trois petits points. Parce qu'en fait, point. Porte. Laisse-moi parler. Au collège, tu sais, il y a beaucoup de travail, mais aussi, j'ai appris un livre de survie au CDI. Il est bien, il y a plein de mots à lire, à trouver. Le livre de survie, tu en as pris deux. Ouais. Oui. Moi, juste trouver des mots, comment on fait pour faire les trucs. Bah, c'est bien, tu nous raconteras quand tu les auras finis. Moi, l'autre ouais. Fois, j'ai hein? Lu comment encore. Faire disparaître son petit frère. Mm. Bon, allez, on va faire une coupure avant d'aller au sujet suivant. Je vais faire disparaître Camille. Et c'était la chanson... Okay. De qui, Corinne? Steven. De Steven. Ritza, ce serait bon, Marc? Ah oui, ben, j'aime bien, merci Steve. Merci Steve, ouais. J'aime bien. Je t'oublierai jamais. Merci. Je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sous les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de nos vies. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Le cœur léger, cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Voilà, au final, c'était la chanson de Timothée. Alors, Timothée, je vais te demander d'enlever ton casque. Non, ça va pas le faire. Merci, Timothée. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on s'écoute. Timothée, c'était ta chanson. Ouais. Et les autres, il y en a qui ont bien écouté, qui ont dit qu'elle était triste. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle raconte, la chanson-là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, le titre c'est quoi déjà, Timothée? Le cœur éléphant. Voilà, le cœur éléphant. Alors, ça parle de quoi ça? D'un éléphant. D'un éléphant. Puis alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est perdu. Il s'est perdu. Il était où alors? Ça vit où les éléphants? Dans la montagne. Dans la montagne? Oui. Est-ce qu'il y en a au-dessus là-haut? La jungle? Non. Ah, oh, j'aurais dû le dire ça. Oui, alors il s'est perdu. Oui, dans la jungle. Voilà, il s'est perdu. Il s'est perdu dans la jungle. Ah. Je sais. Nathan, bon. C'est Timothée qui raconte. Ok. Vas-y. Il s'est perdu dans la jungle. C'est un petit éléphant ou un gros éléphant? C'est un bébé éléphant ou c'est... Un éléphant. Oui, un éléphant. Bon, voilà. Puis alors, qu'est-ce qui lui arrive? Un gros éléphant. Oui, qu'est-ce qui lui arrive? Un énorme éléphant. Timothée, on aimerait bien connaître la suite quand même. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a perdu sa maman. Ah, il a perdu sa maman. Et puis? Et puis il est triste. Oui. Les autres. Et puis, son cœur y bat. Oui. Oui, c'est bien, Timothée. Et alors, ça se termine comment? L'histoire, la chanson, elle se termine comment? Par ça. Par un truc mûche, là. Un violon? Oui, un violon. Oui, mais ça nous dit pas s'il a retrouvé sa maman ou pas à la fin. Non, il était mort. Elle était morte? Oui. Ah bon? Bah oui. Je sais pas. Je sais pas non plus. Bon, bah, apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont écouté. La maman, elle est morte. Donc, il se retrouve tout seul, Timothée. Voilà. T'es sûr, Timothée? Ah bah, alors, c'est vraiment une chanson triste, alors. Hein. Toi, j'avais raison. Elle est morte, elle a été tuée par un chasseur? Oui. Oh. Oh, la pauvre. Oh là là là. Bon, en effet, c'était une chanson triste. Hein. Ben voilà. Merci, Timothée, d'avoir raconté. Merci, Timothée. De rien. Merci, Timothée. Alors, on attaque le sujet suivant. Comment recycler de l'eau? Comment... Ah, je sais même plus. Comment recycler de l'eau? Économiser de l'eau. économiser de l'eau. Parce que Christopher, il est déjà dans leur cyclage. Voilà. Alors, qui donne sa première idée? Moi. Quand vous êtes chez vous, comment vous faites pour économiser de l'eau? Alors, Christopher. Acheter des bouteilles. Tu peux parler devant le micro? Acheter des bouteilles. Alors, est-ce que c'est économique d'acheter des bouteilles? Non. De quoi? Non, pas ça, Corée. Je sais, pour avoir des vraies économies, il faut prendre une poche d'eau et avoir de l'eau ours. De l'eau ours. On n'a pas compris, Nathan. De l'eau de ours. L'eau douce. De l'eau douce. Ah, de parler l'eau douce, micro, Corée. Nathan. On boit de l'eau. Moi, je bois de l'eau douce. Maman me l'a dit. Oui. Ah, de l'eau de source. Oui. Oui. Ah, de source. Tu as dit faut la payer. Il a dit maman faut la payer. Ah bon alors c'est pas une source. Hein. Bah, si maman me l'a dit c'est une source. Bah c'est de l'eau de la concession. Tu la payes ton eau. Bah... Les gens qui ont une source à la maison ils grosse... payent pas l'eau. Non, c'est Corinne, dans une moi j'en ai pas. Dans une grosse poche d'eau. Dans une poche d'eau. Où il y a beaucoup d'eau. Oui, mais l'eau, tu la payes ou tu la payes pas? On la paye. Ouais, donc c'est pas une source. Bah, c'est l'eau qui vient d'une poche, d'une grosse poche. Tout au dessous de la terre. Oui. Bah, il y a une poche d'eau, une poche d'eau. Pour avoir de l'eau fraîche. Est-ce que tu as un puits chez toi? Non. Non. Mais là, comme tu dis que tu payes l'eau, c'est de l'eau de la concession. Une source, tu la payes pas, l'eau. Tu as seulement à l'entretenir, quoi, mais sinon, tu la payes pas. Donc là, si vous la payez, c'est pas une source. Alors, Juliana, vas-y. Quand tu fais la vaisselle, de laver, puis après de rincer. Ah ben, d'une manière comme d'une autre, quand on fait la vaisselle, on la lave et on la rince. Hein. Mais laver déjà tout et après de rincer. De rincer tout en même temps. Donc, ne pas laisser... L'eau allumée. Allumée. Non, éteindre l'eau. Couper l'eau. Oui, voilà. Voilà, entre le lavage et le rinçage. Allumée. Ensuite, qui c'est qui avait une autre idée? Ah. Recycler l'urine. Ah, alors, tu vas expliquer. Recycler l'urine. Alors, est-ce que tu as tout ce qu'il faut chez toi pour recycler l'urine? Non, c'est pas ça, c'est moi. T'as pas ça chez toi. Alors, où est-ce que tu as vu ça? À la télé. À la télé, oui. Tu fais pipi et tu recites ton urine. Oh bah, dans les endroits où il y a très très peu d'eau, oui, moi j'ai déjà vu ça aussi. Il boit le pipi. Ah, il la filtre, tout ça, voilà. C'est... Ah oui, hop. Oui, bon, on n'a pas besoin de dessin, Christophe. Ah, vous avez dit. Est-ce que tu as besoin de ça ici? Est-ce qu'on a besoin de recycler l'urine ici? Non. Ça veut dire qu'ils boivent ça dans les autres pays, mais c'est pas bon. Ouais, mais non, mais ici, Christopher, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a de l'eau quand même. Hein? Alors, qui est-ce qui a une autre idée? Il y a Nathan qui avait dit aussi récupérer l'eau. Moi, faut pas tirer l'eau trop fort, tirer l'eau moins forte. Oui, mais il y avait autre chose. Plutôt que de prendre l'eau du robinet pour arroser... Ah oui, les citernes. Tu peux parler dans le micro, Nathan. L'eau de citerne. Oui, mais l'eau qu'il y a dans les citernes, elle vient d'où? De la pluie. C'est lui qui parle. Vas-y, Nathan. De la pluie. De la pluie, voilà. Donc ça, c'est des bonnes idées, de récupérer l'eau de pluie pour arroser les jardins, plutôt que de prendre au robinet. Ensuite, qui c'est qu'il y avait une autre idée? Quand je me brosse les dents, je mouille ma brosse et puis j'éteins l'eau. Voilà, bien, bien dit. Moi aussi, je fais ça quand je suis à la douche. Je me lave et après j'éteins l'eau. Tu ne brosses pas l'eau? Si. Ouais. Tu prends ta brosse à dents, Jana, en te lavant à la douche? Toi, tu prends la brosse à dents sous la douche? Non. Non, je ne le fais pas. Tu demandes à Juliana, alors peut-être que tu le fais. Non, je ne le fais pas. Tu ne fais pas. Je me lave les dents où il y a le robinet. Oui. Je ne suis pas vite de ça. Il sait qu'il y avait encore des idées. Alors après, je vous avais demandé qui buvait de l'eau en bouteille Moi, plutôt robinet. Que celle du robinet. Maman, bouteille, robinet. Bouteille. Attends, attends, boy. Robinet. Robinet. Et Steven. Robinet. Robinet. Robinet. Robinet. Sauf si on va en pique-nique, on boit dans des bouteilles d'eau. Ok, d'accord. Alors, quel est le plus économique en bouteille? Bouteille, bouteille. Conan, robinet. Robinet. Bouteille. Alors, robinet, Christopher. Moi. Bouteille. Christopher, tu as dit que tu buvais de l'eau en bouteille, pourquoi? Oui. C'est mieux. C'est mieux pourquoi? Comme ça, t'es pas obligé de boire de l'eau en robinet. Est-ce que c'est une bonne raison, ça? Mais... Tu avais dit autre chose, Christopher. Ouais. Corée. Timothée, tu restes avec nous? Oui. Tu avais dit quoi? Que tu n'aimais pas le robinet. Voilà, tu as dit que... C'était pas bonne. Elle était pas bonne. Mais Corée. Et toi, tu bois l'eau du robinet, Marc? Ou de l'eau? Ou de la bouteille? Bah, de l'eau du robinet. En tout cas, sur Saint-Étienne, elle est très bonne. Alors, ça veut dire qu'à la Bresse, elle n'est pas bonne, nous. Non? Toi, tu dis qu'elle a plein de produits. Qu'est-ce qu'elle a comme produit Pour enlever les microbes. C'est moi, elle est bonne, mon eau de robinet. Alors, il y a quoi dedans? Chimique, tout ça. Il y a du chlore? Oui, C'est oui, l'eau, elle est traitée, bien sûr, et qui arrive au robinet. Ah. Alors, est-ce que celle des bouteilles, elle y est pas? Je non, sais. Elle est pas. Cool. C'est l'eau de la source. Oui, mais pas toutes quand même. Hein. Si. Il y a par exemple des eaux gazeuses qui, à la base, ne le sont pas. Bon, bref, de toute façon, chacun ses goûts, hein, Christopher. Voilà, oui. Chacun ses goûts. Je sais. Oui. Christopher, c'est bon qu'on t'aime pas l'eau? Parce que c'est de l'eau de la piscine. Ah. Parce qu'il y a une piscine à la Bresse, alors tu crois que lui, il a l'eau de la piscine Ah. Eh ben non, on attend. Hein. Il a des bourrées avec plein de mitrons. Timothée, tu restes avec nous. Tu enlèves ton maillot. Chez voilà. Moi, prends l'eau du robinet dans une bouteille, prends la main au frigo. Tu tiens correctement. Qu'est-ce que tu dis, Juliana? Chez moi, on prend de l'eau, on la met dans une bouteille, on la met au frigo. Pareil chez ma sœur. T'aimes l'eau très fraîche? Tu sais, tu prends de l'eau mienne avec les microbes, Christopher, et tu mets du glaçon. Timothée, encore une fois. Il n'y a plus de microbe okay, dedans, il n'y a plus de microbe, je te jure. J'ai déjà fait ça. Qu'est-ce que tu as dit, Nathan? En fait, tu prends de l'eau du robinet à la Bresse, tu mets des glaçons dedans, et ça marche et ça fait plus de microbes. Ah, Nathan, t'es dégoûtant. Ben, l'eau de la Bresse, elle est bonne, mais c'est affaire de goût, c'est tout. Hein? On va dire ça. Oui. Alors, est-ce que tu as une autre préférence? Non. Non? Christopher, si t'as plus de l'eau dans les bouteilles, si ta maman elle va pas faire les courses, et comment je fais pour boire de l'eau? Ah, si ta maman elle va pas en course, comment tu vas faire pour boire de l'eau en bouteille? Vous êtes de robinet? Ah! Non, j'ai... non, c'est pas le robinet! Mais j'ai pas! Mais c'est obligé! Ah, quand il y en a plus dans les bouteilles. Tu en mets du robinet. Ouais. J'ai gagné. Ah oui, d'accord. J'ai gagné un point. Ok. Mmh. Alors après, c'était l'électricité. Ah. Vélo. Là. Alors, Christopher, il proposait de faire du vélo pour faire de l'électricité. Comme la pub, tu là. Mets tu mets des filles, en fait. Allez, on regarde en collant, hein. La télé. Nathan, on est en train de parler. Et tu l'as fait vite. Ouais. Et après, la dame, elle allume et puis il voit... Bon, alors, allez-y. C'est comme une argile, ça. D'autres idées. Je sais. Essayez pas prendre trop de courant et pas trop déjanter le courant. Pas trop déjanter le courant partout de la maison, de tous les voisins. Parce que toi, tu t'amuses à disjoncter. J'essaie. Non. Le compteur, boum, boum. Corinne, enfin, à éteindre les lampes pour qu'on n'ait pas... Bien, Juliana. Ce serait bien que tu enlèves ta main quand tu parles. Ben répète, oui. Juliana, qu'on comprenne bien. Qu'on éteint les lampes ou qu'on n'est pas. Voilà, dans les pièces où on n'est pas, il ne faut pas les s'allumer. Moi, j'éteins tout le temps les lampes, moi. Timothée. Ça, Christopher, c'est pour allumer du feu. Hein. Ce que tu fais. C'est pour allumer du feu. Ouais. Oui, pour... Comme on accroche... Tu te confonds, Timothée. Une, un fil et après du bois. Tu te confonds, Timothée. Tu fais du feu. Bah si, tu fais du feu avec ça. Non, en fait, tu mets des fils sur la roue, sur le compteur, tu mets les fils sur le compteur. Et puis après, tu pédales. On a vu ça à la télé. Puis après, la femme, elle allume les lumières et ça a marché. Alors là, Christopher, t'es à l'IME ce matin. Alors qui c'est qui pédale là pour faire de l'électricité chez toi? Y'a personne. Tu vas pédaler quand tu vas rentrer. Christopher, il pédale tout le temps dans le vélo. Je sais. Christophe est en sport, il pédale super vite, il s'y arrête, tu vois, qu'à cette vélo. Ah ben, c'est toi qui m'as fait d'aller chez moi dans ma chambre, tu vas faire des cricités dans ma chambre. Alors, il y avait Juliana aussi qui avait eu une autre idée. Ah. Elle avait dit quand on partait, il fallait baisser les bonnets. Chauffage. Très bien, Juliana. Baisser les radiateurs. Je sais. C'est essayer pas trop couper le courant aussi. Pas regarder trop la télé aussi. Ah oui, mais on va pas s'arrêter de vivre aussi, non plus là-dedans. Mon frère, hein. il a joué à ma couseule, il a éteint juste la couseule. Il a même pas éteint ma télé. Et ma télé, elle a failli griller ma télé. J'ai tout éteint. Alors Steven, Juliana. Toi tu nous avais donné des idées aussi. Tu te rappelles, Juliana. Timothée, on écoute Steven. Oui. Hein. Steven, tu avais dit, pour faire des économies d'électricité, qu'est-ce qu'il faut faire? T'arrêtes ou je te sors? D'accord. Faut débrancher tout. Voilà, oui. Toi, tu avais parlé de l'ordinateur, il faut pas le laisser en veille, il faut l'éteindre. Oui. Oui, et qu'est-ce que tu avais dit d'autre encore, Steven? Elle a dit que la télé. Oui, mais tu avais dit aussi, par exemple, quand on part en vacances, oui. Il faut débrancher tout. Oui, débrancher tout, et puis le frigo, s'il n'y a rien dedans, t'as dit. Oui. Ça sert à rien, que ça tourne à vide. Oui. Hein, ça te rappelle de ça? Oui. Oui. Vous avez d'autres idées? Non. Non. Eh ben, on met la chanson les suivante, 44. Celle de Steven. Eh ben, de c'est Steven. Pas fini. Allez. Et après, c'est qui? Là, c'est dingue. Là, c'est dingue. Là, c'est dingue. Là, c'est dingue. Laisse-moi la jeter. J'avoue, là, c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange, mec, regarde ta go. Depuis tout à l'heure, elle fait que me fixer. Oh la quétale, ça la mélo. Je veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre et ban classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes brailles, aïe, aïe. Vas-y, wine, wine, wine. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes brailles, aïe, aïe. Vas-y, wine, wine, wine. Là c'est dingue. Là c'est dingue. soir je traîne en gamos. Je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos. Je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss. Je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange aïe aïe aïe. Là c'est dingue. Voilà, c'était la chanson de Steven. C'était qui, Steven? Quoi? C'était qui? Ritza? Pas Ritza. Ritza. Et ce qui est bien, c'est que là, tu l'as mis tout seul. Oui. C'est bien. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de la progression technique là. Moi je vois rien dessus parce que moi je connais rien. Arrête, s'il vous plaît. Voilà, merci. Moi je touche pas parce que je connais rien. Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue, t'as retenu ça toi? Oh, c'est dingue. Qu'est-ce qu'il dit dans la chanson, Christopher? Pas entendu? Ben non, je veux que je fasse un gosse, gosse, gosse. Qui c'est qui dit ça? Lui? Le chanteur. Ah bon? C'est vrai, Timothée? Non. Ah, c'est vrai. Bon, s'il te plaît, on peut même pas. Vrai, qu'est-ce qu'elle dit la chanson, Timothée? Apparemment, t'as écouté, toi. Ça parle de quoi? D'un mec qui est cousin, il danse là pour moi. Ah, oh, c'est dingue. Oh, ouais, c'est bon, dingue. Alors voilà, Timothée, c'est oh, tout ce qu'il a retenu. Dingue, dingue. Juliana, t'as retenu quelque chose de la chanson? J'ai vu le clip. Ouais, et il parle de quoi? Que sa copine, elle est partie, elle est dans, il est sur un rocher et puis il chante. Ah, et puis à la fin, elle revient? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Attends, il fait chaud là, tu mets un truc sur ta tête. Allez, indien. Alors le dernier sujet, on avait dit que fait-on avec un petit frère ou une petite sœur à la maison? Moi je lirai des histoires, je jouerai avec lui. Voilà. Alors Timothée, tu avais dit quoi toi? Que fait-on avec un petit frère ou une petite sœur à la maison? Un petit frère ou une petite sœur? Oui. Bah je jouerai à cache-cache. Voilà. Nathan, tu avais dit quoi? Oh, je sais plus. La question. Bah réfléchis Nathan. Moi j'ai dit que ça serait au poteau. Ah oui, alors toi t'as dit que t'attacherais au poteau, pourquoi? C'est une énergie. La corde là. Ça veut dire que tu supportes pas trop les petits? Si. Corinne, moi je supporte Corinne, les je petits. Sais. Moi aussi, oui. c'est attendez, petit. Attendez, on parle pas tous en même temps. C'est le petit, il m'embêtait. Je leur ai prêté la console. Toi, t'as dit que je lui dirais d'arrêter de sauter partout. Ouais. C'est ça que tu as dit, Nathan. Oui. Hein? Voilà. Alors, toi, tu l'attacherais au poteau. Juliana, tu jouerais avec. Et Camille, tu ferais quoi? Tu le prendras à conduire. Mais. Il y a un petit à la maison. Qu'est-ce que tu fais alors avec le petit ou la petite? Marate. Ta petite sœur. Tu fais quoi, Camille? Rien, tu regardes comme ça, c'est tout. Tu fais quoi? Je joue avec. Ah, voilà, tu t'en occupes. Hein? Est-ce et toi, Steven? Qu'est-ce qu'on fait avec un petit à la maison? Quoi? Quand on a un petit frère, une petite sœur à la maison, je qu'est-ce qu'on fait avec Steven? Alors, est-ce que tu crois qu'un tout petit peut jouer à l'ordi? Je lui apprendrai à jouer. Tu lui apprendrais. Ok. Et toi, Corinne? Quoi? Qu'est-ce que tu feras avec ton petit frère? Ah, j'ai pas de petit frère. Non, mais c'est ton appel. Oh! C'est un appel, t'es névrant. Il t'en mettra tous. Bah, c'est s'en occuper, le protéger, si c'est un petit. Hein? Et toi, Marc, ton petit frère? Moi, devant moi, je me suis jamais protégé par un frère. On écoute, s'il vous plaît. Ah non, moi j'ai pas de petit frère. Si t'en avais un, que tu ferais? T'as des petites sœurs? J'ai que des grandes sœurs, moi, et un grand frère. Et quoi? T'as pas entendu ce qu'il a dit? Il a qu'un grand frère et une grande sœur. Voilà. Bah, c'est normal, non? Vous trouvez pas? qu'à nos âges, à moi et à Marc, on n'est plus de petits frères et de petites sœurs. Des fois que. Ah bah ouais. Eh ben, dis donc, je peux dire, mon frère, il m'en bat tout le temps, mon frère, s'ennuie, il me protège même pas, il s'ennuie même pas de moi. Parce que je suis moi le plus petit de la maison. T'es quand même un peu grand, Nathan, non ? Il dit que c'est moi le plus petit, c'est moi qui a tout. Mais c'est toi le plus petit en âge, mais attends, tu as quand même 14 ans, Nathan. Tu n'es plus un petit. Bah oui, je sais. C'est moi le dernier, c'est moi le plus petit, mais je suis grand. Eh ben alors, qu'est-ce que tu voudrais que ton frère y fasse ? Non, mais il s'agit pas de rire, Nathan, il s'agit bah, de... Bah, Gaëtan, mon frère, bah alors, il se protège de moi. Tu voudrais qu'il te protège ? Il te protège de quoi ? Comme s'il y a des gens qui me tapent dessus, j'aimerais bien qu'il me protège. Est-ce qu'il y a des gens qui te tapent dessus, Nathan ? Non. Bah non. Corinne ? Oui. Hier, j'ai regardé un film, c'est la fille avec ses ans, elle est enceinte, et puis dans la classe, de sa petite sœur, tout le monde se moquait, alors sa petite sœur, elle s'est bagarrée avec pour la protéger, sa grande sœur. Du coup, elle est arrivée, elle avait un gros cocara. Ça. Yo, on s'arrase. Et alors, ça a bien fini ? Ouais. Ça s'est fini comment ? On sort. Elle a sorti son bébé. Mmh. Oui. Voilà. Il y avait un papa, le bébé, là ? Mmh. Oui. Puis alors, les parents, ils étaient contents ? Ils étaient énervés. Ils étaient énervés ? Ah, parce qu'elle était jeune, peut-être ? Mmh. Ouais, 16 ans. Ah ben oui, oui, ça fait jeune, hein ? C'est sûr. Tu t'avais oublié. C'est des choses qui arrivent, hein. Mmh. Mais il faut rester soudé dans les moments-là, oui. C'est qui t'avait oublié, Géna ? Une fille de 16 ans ? T'as pas suivi l'histoire, Nathan. Non. Ah, non, pas du tout, hein. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a, Christopher ? C'est un film. Un film. Voilà, c'est un film. Ah, ça veut dire que le film, c'est... Ça veut dire que ses parents étaient énervés. Ça veut dire que les parents de la fille de 16 ans étaient énervés. Voilà. Et pourquoi, Nathan ? Parce que la petite s'est bagarrée avec la soeur de 16 ans. Oui, mais c'était pas n'importe pour ça, quoi. Surtout. C'était c'est pour que autre chose. La fille de 16 ans est enceinte. De l'école à sa petite soeur, tout le monde se moquait d'elle. Alors, du coup, elle s'est bagarrée pour protéger sa grande soeur. Tu vois, là, c'est la petite qui s'est bagarrée pour la plus grande, Nathan. Tu ferais ça, toi, pour ton frère ? Te bagarrer pour protéger ton grand frère ? Voilà, hein, alors frère, ça... Moi, je le ferais, non, moi, c'est mon frère, j'aurais déjà défendu mon frère. T'avais pas Corinne. L'air très convaincu, là. Corinne. Oui, attendez. Moi, je le ferais, en tout cas, pour protéger oui, mon Timothée. Frère. Oui, Timothée. Si je défends Florentin, je défends Florentin. Alors, Florentin, il est plus grand que toi. Je sais. Attends, c'est Timothée. Florentin, il est plus grand que toi. Bah oui. Oui, alors toi, tu le protégerais aussi. Ouais. Moi aussi, malgré je le qu'il protégerai. Soit grand, bah oui. Moi aussi, je le protégerai. Voilà, faut pas forcément être petit pour être protégé. Même un grand, il peut avoir besoin d'aide. Hein ? Si quelqu'un le tape, moi je le fais une salle de phalange. Corinne, s'il vous plaît, tu lui fais quoi ? Si quelqu'un le tape Florentin, bah j'ai fait une salade de phalange. Une salade de phalange ? Oui, ça veut dire pas. Ah, c'est un coup de poing. Une ouais. Salade de phalange. Je vais vous retenir ça. Corinne. Un coup de boule, boum. Corinne. Oui. Je sais. C'est aussi. Une fois, j'avais 11 ans, j'avais une pleine fête. Il y avait plein de filles qui se moquaient de moi. Et je sais pas pourquoi, je dansais. Plein de filles qui me regardent de cravate, mais bizarrement, ils me se moquaient de moi. Et comment j'y regarde, mais c'est qui eux ? Mais c'est pourquoi ils se moquent de moi ? Bah, ils se moquaient peut-être pas de toi, Nathan. Si, peut-être ils te trouvaient beau. Ils montraient bien de toute façon, moi. Ils montraient tous ouais, de toute façon. Mais ils te trouvaient peut-être beau. Non. Corinne ? Bah, pourquoi non ? Mais ils commençaient à rigoler pour mes premiers parents. Oui, on est parti à cause des filles. Ils auraient dû pas se moquer de moi. Moi, là, on était au parc en quoi, comme Tignas, et il y avait une fille et deux garçons. Non, deux filles et un garçon, ils se moquaient de ma petite nièce. La petite fille, elle disait qu'elle avait une trottinette de bébé. Ah bon ? Du coup, j'ai été. Ma maman, elle m'a dit, va voir. Alors, du coup, j'ai été, et puis tout le monde s'est battu, tout le monde parti. Ah, mais faut pas faire attention, tu sais, dans les cas-là. Il faut pas s'occuper des gens, Juliana. Timothée. Attendez. Il y avait un anniversaire, donc il y a un anniversaire et puis il y avait une fille avec une jupe avec des fleurs. Je l'ai regardée, il m'a souri, je l'ai souri. Donc elle m'aime. Donc elle m'aime. Voilà. Ah. C'est une belle histoire, Timothée. Hein? C'est un amoureux. C'est-à-dire que c'est ton amoureux, Timothée. Et toi, Corinne, il y en a qui t'a protégée? Qui m'ont protégée? Ta sœur, ton frère. J'ai jamais eu trop besoin qu'on me protège. Et toi, Marc? Attends. Oh non, je suis gentil avec tout le monde est gentil avec moi. Voilà. Quand on est gentil, on n'a pas de soucis. Ouais. Ah, c'est vrai. Bah toi, oui, Timothée, oui, est d'accord. Après, il y a toujours des personnes malveillantes. Et aussi, toi, Steven, quand même, hein. Y en a qui t'ont protégé? Qui c'est qui te protège, toi, Steven? Maman. Ok. Et vous savez, il va falloir s'arrêter parce qu'il est 58. Quoi, Juju? Non, ben, ce sera pour la prochaine fois. Oh, alors, lundi, c'est férié. Donc, on ne peut pas préparer l'émission. Please. S'il vous plaît, j'aimerais terminer. Camille. Lundi, c'est férié. C'est la Pentecôte. Vous restez chez vous. Donc, on fera une petite préparation mardi. Et on fera surtout une playlist, Marc, pour mercredi prochain. Voilà, oh, d'accord. Que je vais mettre mes musiques. Donc chez vous ce week-end, essayez de choisir des chansons. Oh, mais voilà. J'ai oui, Timothée. Je vais aller rajouter un truc pour. Rapidement. Donc, il y aura le. La. Ah. Il y aura. Le pique-nique, là. Le parrainage? Oui, le parrainage. Ah oui, mais ça, bon, à la rigueur, on en parlera la semaine prochaine, vite fait. Hein, d'accord? Oui. On va dire au revoir à tout le monde sans crier dans les micros, s'il vous plaît. Au revoir. Voilà, et on se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Au mercredi, bon appétit, mangez bien. Salut. Mangez bien. Salut. À demain.